2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Bombomo, musique française et francophone curieuse, un mercredi par mois sur Prune. Bientôt 10 ans que ça dure, coucou Jonas. Bientôt 10 ans que ça dure, effectivement Vincent. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Il va falloir qu'on les fête, je vais très bien, il va falloir qu'on les fête ces 10 ans. Et effectivement et dignement. J'ai déjà quelques idées, c'est pas le moment d'en parler non, à l'antenne. Un peu prématuré. Il est 21h06, on est un peu en retard, j'ai envie de dire c'est peut-être le quart d'heure angevin. Exactement. Oh, j'ai préparé mes petites fiches et tout pour faire des blagues. Car ce soir, on a deux DJ. Est-ce que vous êtes angevin ? Est-ce que vous êtes nantais ? Super Salmon, coucou. Coucou. Et Fanche également, juste à côté. Salut. Coucou. Angevin, nantais. Fanche, tu viens de nous rejoindre sur Nantes ? Ouais, je suis. Non, je suis les deux, quoi. J'ai pas envie de prendre parti. Bah oui. Super Salmon, comment toi ? Ça fait tellement longtemps que tu habites sur Nantes ? Ça fait quoi ? 6 ans, je dirais ? La scène angevine. Bah, c'est toujours chez moi, donc je suis angevine de cœur. Qui vient diffuser ses bonnes ondes à Nantes. Raph, Super Salmon, on t'aura en deuxième heure à 22h. Mm-hmm. On a trop hâte d'écouter ton mix, c'est ta première venue dans l'émission. Oui. Ça va être trop bien. Mais d'abord, Fanche. Fanche, troisième passage dans Boum Bomo. Mais les deux premiers, c'était des podcasts que tu nous avais envoyés. Il y a eu le Covid qui est passé par là, tout vrai. Ça. Et ouais, là, j'étais à Angers, quoi. Et t'étais à Angers en plus. Et il y a des favoris. Ouais. Bon. Fanche, troisième passage dans l'émission. Premier direct. J'ai l'impression que t'es un DJ un peu touche à tout. Je te vois jouer de la cumbia, ça défonce. Je te vois jouer à la Days, ça défonce. Et dans une semaine, tu joues la Boum Bomo. Ça va défoncer aussi. Bah oui, normalement, hein, si les prévisions sont bonnes. Ah oui, ça, carrément. Ça devrait le faire. La météo se trompe rarement. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ? Est-ce qu'on va avoir droit à un petit aperçu de ton set de vendredi prochain dans 10 jours, le 7 avril au rond-point, ou est-ce qu'on part sur une sélection peut-être ? Alors, plus... pas du tout, ouais, plus sélection radio. C'est vrai que vu que je suis déjà passé, l'idée c'est de faire un truc français un peu différent. C'est vrai que le tout premier mix que j'avais fait, que j'avais intitulé le Schmilblick, c'était... C'était un peu français chelou, des trucs un peu obscurs. Le deuxième, c'était un peu plus moderne. Du coup, là, je suis un peu plus remonté dans les années 60, 70. Puis il fait beau, c'est l'année à jour. J'avais envie d'être en vacances, d'être bien, d'avoir de la musique qui donne envie d'être posé sur un petit transat, sur une petite plage, avec un petit spritz, tranquille, quoi. Eh bien, servez-vous un spritz. Ouvrez la fenêtre, il y a peut-être encore un peu de soleil, je ne suis pas sûr. Et maximum de chaleur, alors jusqu'à 22h, on va peut-être déborder un tout petit peu, comme on a commencé un poil en retard. 50-55 minutes à peu près de mix avec Fanche, puis c'est Super Salmon qui prendra le contrôle pour son premier passage. Oui, c'est parti. Ouh là là là là, qu'est-ce que c'est le premier morceau ? Alors le premier morceau, c'est Fait Chaud. Ça s'appelle Fait Chaud. Tout simplement. Un morceau qui fait chaud. Alors je n'ai même pas le nom de l'artiste, tellement je suis un connard. Mais je sais que c'est un Bernard qui fait ça, avec sûrement sa pote. Bernard Fait Chaud, quoi. On retrouve la tracklist de toute façon avec le podcast dès demain sur le site de Prune. On est ensemble jusqu'à 23h et quelques minutes sur Prune. L'émission c'est Boum Boum, musique française et francophone curieuse. Pendant une heure, Fanche et Toplatine avant que Super Salmon ne prenne le relais. Jonas, c'est parti. Mm-hmm. pas gêné personne. Hein? Ah oui, mais... Ah non, on fait trop chaud. T'avais pas une petite idée en m'amenant ici? Mais non. T'es bien sûr? Non, on fait trop chaud. Bon, bah je vais me bronzer. Toute nue. Tu veux bien? Mais oui. Je te plais comme ça? Un coup de fait chaud. Embrasse-moi. Non, écoute, fait trop chaud. Aussi, embrasse-moi. Écoute, fait trop chaud. Attends, je vais te donner des frissons aussi. Je vais te faire des papouilles. Ah non, laisse-moi dormir. Non. Jamais personne. Non, laisse-moi tranquille. Ah non. Écoute. Non, laisse-moi dormir. T'avais pas une petite idée en m'amenant ici? Mais non, il fait trop chaud. Non, vraiment. Écoute-moi, laisse-moi. Mais non, mais il passe jamais personne. Non, mais il fait pas chaud. Non, laisse-moi. Oh, c'est bon, tiens, non, ne bouge pas. Non, il fait trop chaud. Oh, ce qu'on est. Ha ha ha! il n'y a pas goût. Coucouille, ma mémé, biguiou, tout n'a gagné un tout coupouille, n'a. Quel amour! Aïe, catin, qu'a beaucoup laissé des belles à ceux des belles nœuds! Quel petit temps! Aïe, parce que t'as des yeux de faire la boucle, mais qu'il n'a pas de bille! Quel chou! Mais qu'il a des yeux de nez, par la voie, il n'y a pas de loupé! Tous tout comme moi, t'es pas là que ma. Ah, beaucoup de nez, c'est que t'es madame! Ouh! Et n'a pas qu'à ta souille. Non! Ah bah, elle a eu deux jours. Zé que t'es mec, l'op. Plou flip, la slick. Lap, plouk, yap, plak, loup. Mais. Mon dada stick, il est. Dada stick il est des macan bouit et nastrouille des schlack. Schlack? Le schlack est né de strouque bouit. Fora stack et bouquin ne castouque me lavai. Y'a pas goût, y'a pas garde n'a qu'à soudouille. Et ben n'a qu'à la soudouille, ma boudé. Ah, pas qu'à ta soudouille. Ma petite merveille. Ah, ça qu'a pas qu'à la soudouille, n'est qu'à bordouille. Oh, quel artiste. Va pas qu'à la soudouille, n'est qu'à bordouille. Mon, c'est d'année, y'a pas d'année, j'ai du doumé. Aïe, t'as pas qu'à la soudouille, y'a pas qu'à la soudouille, c'est qu'à la soudouille. Quel génie. Ma grand-mère et ta grand-mère, les pieds sur la table. Après quatre verres de bière, on faillit rouler sous la table. En parlant d'Anna, Anna, Aiko, Aiko et moi. Giacomo Fino d'Italie, Giacomo, Aiko, oui. On m'a offert un grand chat rouge, Aiko, Aiko, Aïe. On dirait grand-mère quand il bouge, Giacomo, Aiko, oui. En parlant d'Anna, Anna, Anna, Aiko, Aiko et moi. Giacomo Fino d'Italie, Giacomo, Aiko, oui. Cendrillon et Barbe Bleue, les deux pieds sur la table. Après un whisky, nous deux se sont retrouvés sous la table. En parlant d'Anna, Anna, Anna, Anna, Aiko, Aiko et moi. Giacomo Fino d'Italie, Giacomo, Aiko, oui. Ce monsieur en veston gris, dans un fromage blanc. C'est pas un homme, c'est une souris, Giacomo, Aiko, oui. En parlant d'Anna, Anna, Anna, Anna, Aiko, Aiko et moi. Giacomo Fino d'Italie, Giacomo, Aiko, oui. En parlant d'Anna, Anna, Anna, Aiko, Aiko, Aïe. Giacomo Fino d'Italie, Giacomo, Aiko, oui. Ha ha ha! Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, tendre Lola. Oui, quelques mots tendres devraient attendrir Lolita. Ce que ça va rendre, ça va dépendre, pauvre Lola. Ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. On peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calende grec, Lola. Bravo jeunesse Gosier, bravo jeunesse Gosier, moi qu'a mandé les répondait maman. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, bravo jeunesse Gosier, moi qu'a mandé les tambouillés, aïe aïe aïe. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, moi passé à bout Gosier maman, moi tendé des mots espagnol maman. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, si fille là-bas à prendre l'école maman, yo qu'a méprisé fille là maman. Passé en bougosier maman, moi raconté des macomères maman. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, bravo jeunesse Gosier, moi commandé la sonora maman. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, toutes les mères qui s'y portent à danser, c'est pas fort à yo la la. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, maman vous voyez l'école ma vie pour apprendre à baisser de la la. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, à bon nouvel assis la terre maman, avec langue longue en nous la maman. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier. C'est ma combien au demain. Faya faya maman, bravo jeunesse Gosier, si la jeunesse qui a porté pantila la, yo trouvé un mot pour yo dis yo. Faya faya maman, bravo Thank you. Jacques a fait les paquets. Laissez-moi tranquille, monsieur. Moi, calé à l'étranger. Mi, moi, j'arrivais à Paris. L'hiver, qu'à manger comme moi. Pas ni moyen de comprendre la vie. Mes amis, c'est bien destin en moi. Mio Jacques a fait les paquets. Laissez-moi tranquille, monsieur. Moi calé à l'étranger. Mi moi j'arrive à Paris. L'hiver qu'à manger comme moi. Pas ni moyen comprendre la vie. Mes amis, c'est bien destin en moi. L'hiver commencé. Café, fouette. Fouette à Paris. Un homme qui a besoin d'une femme pour chauffer. Un homme et une femme se rencontrent dans une boîte de nuit à Paris. Oui. Ils ont commencé à danser. Ils étaient neveux. Dixaient. Onzaient. Minuit. Inès matin. Désaient matin. Regardez. Beau gars, dit femme dans les oreilles, chérie. Qu'est-ce que nous faisons après le bal, hein? Regardez, femme la répondit. Après le bal, doudou? Après le bal, hein? Eh bien, après le bal, tu prends ta bagnole et tu m'emmènes gentiment chez moi, hein? Tu me fais la bise sur le seuil de la porte et tu t'en vas chez toi. Eh, femme là! Pourquoi nous reprenons, hein? Vous êtes type playboy résé là, teneur de compagnie, agent payeur, garde cocotte. Écoutez, après belle là, ouais, après belle là, ou que montant voiture, moi, sans Jacques Tel, ouais. Nous que laisser Paris, nous que prenons race campagne, à don chimé chien. Et là, ou que qu'un bébé poisson, moi, et ou que fait moi, ou que fait mon champrin, ouais, ou que fait mon champrin. Avec casquette. Et sans casquette, avec béret, et sans béret, avec sombrero, et sans sombrero, avec borsalino, et sans borsalino, avec melon, et sans melon, avec panama mama, et sans panama, avec gavroche, et sans gavroche. Avec calot et sans calot. épis, des cinq épis, avec capuchon et sans capuchon. Et ma fille, mettez-vous là pour moi, mes carambolas là. Pour moi, nettoyer vos péchards. Ouais. Bah, moi, petit poule là pour moi, bévoir la vie en rose. Ouais, la vie en rose. Cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa. Anticou à gauche, anticou à droite, anticou droit devant, ça pique les moustiques. Anticou à gauche, anticou à droite. Anticou droit devant, ça pique les moustiques. Anticou à gauche, anticou à droite, anticou droit devant, ça pique les moustiques. Anticou à gauche, anticou à droite, anticou droit devant, ça pique les moustiques. Pique-moi djoup djoup, pique-moi djoup djoup djoup, pique-moi djoup djoup, pique-moi djoup djoup djoup. Pique-moi, djou, djou. Pique-moi, djou, djou, djou. Pique-moi, djou, djou. Pique-moi, djou, djou, djou. Chérie, j'ai ton esprit en main maintenant. Vous savez, moi, j'ai un petit peu à dire. Moi, là, c'est béco, hein. Moi, là, c'est langue, hein. Là, c'est béco. Vous savez. Faut les petits caresses tomber, vous savez. On commence à caresser tout petit corps, allez. Et tu chives, allez. Souci Ali, et-il né Ali, et-il bouche Ali, et-il menton Ali, et-il cou Ali, et-il tété Ali, et-il lombric Ali, et plus bas, et plus bas, c'est la zone dangereuse, la zone haute tension, danger tête de mort, faut pas en toucher, faut pas en manier, faut pas en juger grosset. Ouais, yo dis entre parenthèses. Yo dis plus en femme laide, plus qu'à faire sick, plus ni fantaisie. Ouais. Surtout ces femmes risées là, ouais. Cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa, cassi, cassa. Anticou à gauche. À droite, anticou droit devant, ça pique les moustiques. Anticou à gauche, anticou à droite, anticou droit devant, ça pique les moustiques. Anticou à gauche, anticou à droite, anticou droit devant, ça pique les moustiques. Anticou à gauche, anticou à droite, anticou droit devant, ça pique. Pique-moi, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup, tchoup. L'amour en Martinique. Yo gardio l'amour la bonne manière. Sans l'autre. Ouais. L'amour en Guyane. Yo gardio à une bête. Qui chuite moto. L'amour en Guadeloupe, y'a quoi de son bitin qui bon tout bonnement, ouais, tout bonnement. Arrêtez à présent. Y'a quoi de l'amour la bon manière sonore ou ça. Ouais. On manie sonore. On manie sonore. On manie sonore. On manie sonore. On manie sonore. On manie sonore. Et ces messieurs les bonnes là, ouais. Bonne city, la bonne amie s'est pété et qu'on sort. Il s'est aviré. Vous en connaissez autres bien. Ma vie broyée, ma vie ferraillée. Ma vie broyée, ma vie ferraillée. Ma vie broyée, ma vie ferraillée. Ma vie sabotée, ma vie plumée. Ma vie sabotée, ma vie plumée. Ma vie broyée, oh. On démange la dent, oh. Pique-moi, tchoup, tchoup. Pique-moi, tchoup, tchoup, tchoup.

plus la douce quand vous le m'emmissiez parfois. Soleil chaud et chaud et chaud, soleil chaud même pour qui ça. Soleil chaud et chaud et chaud, soleil chaud même pour qui ça. Bakata, bakata, bakata, bakata, para, pom pom pom pom. Soleil chaud et chaud et chaud, soleil chaud même pour qui ça. Soleil chaud et chaud et chaud. Lumière deuxième moi, pousse le soleil en moi, c'est où qu'il en vit moi. Vous stasiez pas où la terre a souffert. Le temps qu'a passé jour après jour. L'année après l'année, la vie après la vie. Vous stasiez pas où la terre a souffert. Vous stasiez pas où la terre a souffert. Le temps qu'a passé jour après jour. L'année après l'année, la vie après la vie. Vous stasiez pas où la terre. Animaux qu'on flèche, oiseaux qu'on poisson, la vie sur la terre, danger. Qui sait que j'ai volé, fatigué, déchiré, il s'est sali, essoufflé, abîmé, garé, chiré, décalé, avorté. La terre, oui. Nous bafouillons la terre pour nous satisfaire, besoin de consommation, nous capoler la mer, tout ça sans ouais. Que danser pour entendre, et puis un paradis, cri. Envie pour nous s'arrêter, assis la terre. L'évolution, ni plus consommation, ni plus production, ni plus pollution. La vie si la tête est en chaille plus belle du jour du jour, plus dans les souvenirs. Les gars pour les anciens capotés, bah nous, que vive la vie, tout ça c'était avant. Je dis ça qui était pour protéger, pour nous garder, en chance pour demain. Tout ça nous camène, qu'a sali la terre, qu'a sali la rivière, et qu'a pollué la mer, et qu'a monté d'avant, et qu'a serré soleil, et nous, nous parler de temps ni de temps pour nous comprendre. Chercher forcer pour trapper, mais pas remplacer tout ça qui fait nous là. Chercher couteau devant, c'est la pluie qui panie, c'est l'effet qu'a levé, c'est gaz qui tini, c'est l'odeur synthétique, c'est l'esprit synthétique, situation critique, ça c'est le crack. Attention, précaution, pollution en action, faut faire attention, la terre est malade, l'homme est malade, vent en malade, faut nous préserver, en chasse pour après. Cribiche, vent en l'air, plastique, bois, chimère, des bois en fenêtre. La fourrure qu'a brûlé, Amazonie, panisier pour plaire. Vous saviez pas où est la terre qu'a souffert. Le temps qu'a passé jour après jour. L'année après l'année, la vie après la vie. Vous saviez pas où est la terre qu'a souffert. Vous saviez pas où est la terre qu'a souffert. Le temps qu'a passé jour après jour. Envie pour nous ça. ma folle, et ma parole, et ma parole, elle est rebelle. Elle m'empoisonne, elle ronronne, et m'emprisonne dans son cocon. Ses bras énergiques et cuivrés me fait sauter sur son ventre bombé. Elle me martèle et m'écartèle entre ses seins magnifiques, et puis m'injecte comme un insecte son suc, son rire diabolique. Qui m'appelle, qui me rappelle, qui m'appelle à la déraison. C'est la belle qui s'est fait belle pour m'emmener dans sa maison. Elle se penche et sur ses hanches roulent les gouttes de mon parfum. Elle me lèche et se dépêche de ranimer le feu des fins. Ça va, bien sûr que ça va, ça va. C'était Fanch au platine de Boum Boum Boum. Yes. Merci. Avec un bon gros voyage dans les Antilles, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal allé dans les Antilles. On est resté un peu en France au début, à la fin, quand même. Mais ouais, ouais. L'été, quoi. L'été qui arrive, quoi. Mortel. Préparé, quoi. Tranquille. Avec des disques édités sur un label, notamment, qui s'appelait Les Disques Vacances. Ouais, Les Disques Vacances. Ça pose le décor. T'as sorti une petite anecdote aussi sur le son de Gainsbourg. Ah, avec les... Oui, le pauvre Lola. Ouais, pauvre Lola. Enfin, la pauvre France qui... Gainsbourg, fidèle à lui-même, ouais. qui s'approprie un peu tout ce qui passe sous son nez. Ouais. Un génie, mais un génie qui s'en bat un peu les couilles. Tiens, la petite France Gall, elle a 15 ans, on lui pique son rire pour le morceau Pauvre Lola. Tout à fait. Merci Fanch pour cette sélection pleine de soleil, comme promis. Est-ce qu'on partira vendredi prochain au rond-point, le 7 avril, sur une sélection ensoleillée, ou est-ce qu'on sera peut-être sur un univers plus club? Tout est possible au rond-point. Tout est possible. Ou soirée Boum Boum, c'est l'avantage. Tout est possible au rond-point, c'est ça l'avantage. Quoi. Tout est... T'amènes tous tes disques. Moi, j'annonce rien, j'amène tout. Okay. Je ramène toutes les étagères et puis on verra. On ramène les Kallax au rond-point, tu ramènes les tiennes, je ramène les miennes. Et puis, on fait recul le semi-remorque et on voit ce qui se passe. 22h, exactement. Lundi, pas 4h, hein, lundi, quoi. Voilà. La prochaine soirée Boum Boumo, et ce sera la dernière de la saison. Sauf miracle, mais non, il n'y aura pas d'autres soirées Boum Boumo au rond-point. On vous réserve des belles surprises pour cet été. On va anticiper un peu notre anniversaire, nos 10 ans. Yes. Et on vous prépare des belles choses pour cet été, donc on va économiser des forces et des sous. Donc si vous voulez danser sur nos musiques françaises curieuses avec Fanch et moi-même au platine, ce sera le vendredi 7 avril au rond-point, prix libre, 22h avec la pure team de bénévoles aux entrées pour vous dépouiller de quelques euros. Et la teuf jusqu'à 3h30. Merci beaucoup Fanch, c'était un plaisir de te recevoir enfin après deux mix, un ou deux mix, je sais plus, je crois qu'il y en a eu deux. Après deux mix... En podcast de loin depuis Angers. Raph, je me tourne vers toi. Super Salmon. Coucou. Hey, hey. Ça va depuis tout à l'heure? Oui, carrément. Trop cool, ça fait plaisir de t'accueillir dans les studios. Écoute. Oui. Super Salmon, multifacette toi aussi. Collectif Zone Rouge, collectif Abstract. On ne voit tout à fait beaucoup depuis quelques années sur les scènes de Nantes et d'ailleurs. Ça va faire encore un petit mousse, mais je suis là. Trop bien. Premier passage dans l'émission, on est super content de te recevoir. Est-ce que je me trompe en disant qu'on va te sortir un peu de ta zone de confort avec cette contrainte de jouer des morceaux français francophones, ou est-ce que je me trompe pas? Alors, préparer, ça m'a sorti de ma zone de confort. Maintenant, je vais quand même jouer du Super Salomon. Donc, je pense que ce sera assez érotico d'un tempo. C'est ça, Super Salomon, érotico d'un tempo. Au début, oui, j'ai commencé beaucoup comme ça avec notre cher Oxa. Coucou Oxa. Oui, de la musique un peu de Fillon. Ah voilà, je savais pas si t'allais répéter à l'antenne. T'as dit juste pendant le dernier morceau de Fanche, ça va sentir le fion. On peut le dire aux auditeurs. Un peu, je sais pas parce que du coup c'est, j'ai mis beaucoup de choses. Donc voilà, il y aura de ça, il y aura peut-être de la new beat. Il y aura peut-être des musiques un peu plus ascendant, rave, trans sur les bords. Voilà, okay. C'est vous qui vous allez peut-être être. On va découvrir. 22h08, on est ensemble jusqu'à 23h05 maximum. Ouh, après c'est la fin du podcast. C'est Super Salomon dans Boom Bomo. Est-ce que t'as la rêve du premier morceau ou est-ce que pas du tout? Bah, je sais que c'est Golden Bug qui l'a produite. De toute façon, on retrouvera la tracklist avec la tracklist du set de Fanche de demain sur le site de Prune. On se retrouve tout à la fin du mix, juste pour te dire au revoir. On reçoit Super Salomon pour la première fois sur Prune dans Boom Bomo, musique française et francophone curieuse. Jonas, comme d'habitude, est affairé derrière sa console. Je le vois bouger, je le vois toucher à plein de trucs. Ça va, tout j'ai se passe failli bien. Faire une erreur technique, donc c'est très bien. J'ai vérifié au dernier moment et c'est pas, ça devrait partir. C'est pas une vraie Boom Bomo s'il n'y a pas un petit bug à un moment, donc n'hésite pas à lâcher un blanc, ce que tu veux. Ok, très bien, j'y penserai. Super Salomon dans Boom Bomo, on se retrouve à 23h, à tout à l'heure, bonne écoute. C'est parti. Thank you. femme dans le shaker. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et de doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Josephine Baker. Là, une dose de Prévert. Et sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau d'avoir une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mettez trois notes de jazz, un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, la résine d'un bar. Moi je me comprends. Un verre que j'aime à l'aise. Un tour de moulin rouge et deux mètres d'arbre. Nappé de macadam, décoré d'un chaland en verre, ou d'Amsterdam. Macadam, c'est un parler qui sont pas sur le incendiar a minha frente. Olho nos olhos, encosto mais os meus joelhos às tuas coxas. Fica inquieta, mexe no lugar e finalmente vira-se para a rapariga sentada ao lado e queixa-se que eu estou a assustar.

ferme ta bouche. Écoute-moi. Je t'aime tout le jour. Moi je t'aime en amour, super salement nos platines. Wouhouhou. Juste à temps sur sa chaise, juste à temps face au micro. Merci Raph pour ce pur mix. Merci, merci à toi, à vous. C'était trop cool. Moi je t'aime en amour. Trop cool. Un peu plus sombre que ce qu'a fait Fanche. Sans deck. No shit. Mais c'était trop cool, bonne soirée, je le dis tous les putains de mercredis de toutes les putains de Boom Boom. C'est trop chouette d'accueillir plein de DJ qui nous proposent chacun leur univers, parce que cette contrainte musique française francophone, elle est pas si contraignante que ça finalement, elle permet quand même de rester un peu dans sa zone de confort quand même. Non mais c'est bien de savoir d'où viennent aussi les influences qu'on a, je trouve. Trop bien. T'as joué ce fameux Ecuador. Oui, ma musique préférée, je crois. Redis-moi le nom des artistes. Get a Room. Ouh là là. Get a Room. Ça a influencé le nom de ton salon de tatouage ? À l'époque, ouais, carrément. Ouais. À l'époque où tu faisais des tatouages. Oui. Maintenant, je fais la musique. Okay. Enfin, je mixe. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des petites dates pour vous ? Fanch, on en a déjà parlé. Au rond-point, le 7 avril. Oui. Super Salmon, il y a des petits trucs qui arrivent pour toi ? Il y a plusieurs dates à Macadam. Oh. La chance. Avec Zone Rouge, on fête notre anniversaire le 21 avril et je rejoue le 7 mai une Gloria Extended. Voilà. Et aussi avec mon cher Fanch, ici même théoriquement, à Drôle de Bar, je crois que c'est le 12 mai. Oh là on va essayer là, de faire un truc de oh là là. Ces deux univers chelous. Chaud, le ying et le yang. Chaud, froid. Préparez vos tapis de yoga. Voilà, c'est ça. Ça va être intense. Étirement intense. Ça va être trop cool. C'était trop bien de vous accueillir, Fanch et Super Salmon. Merci beaucoup, merci infiniment. Il nous reste un dernier morceau à passer pour dire au revoir. Et c'est évidemment toi qui en as la charge. On t'écoute. Et je profite pour mettre une musique de Agogazo, le dernier groupe sorti sur le label Abstract Records. Ok. Voilà. Trop cool. Bonne découverte. On se retrouve le vendredi 7 avril au rond-point dès 22h, prix libre, Fanch et moi-même aimé aux platines. Merci aux copains et aux copines qui sont venus assister à l'émission. Nous, on se retrouve le mois prochain en direct sur Prune. Ouais. Bisous, Agogazo sur Prune. Ciao les petits loups. Ça va secouer un peu. Est-ce que c'est parti ? Non, c'est je crois que yes, ça part. Okay. Mais je crois qu'elles sont... On va monter un peu la tranche, je peut-être. Sais, la tranche n'a pas été montée. Ah, yeah. C'est ça. Oh, yes, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, il fallait un bug technique. Trop bien. Et c'est parti, les petits loups.